السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسيب والكافي. Il y a également parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala Al-Hasib. On pourra traduire dans un premier temps par celui qui consigne toutes les œuvres, et Al-Kafi, celui qui satisfait. Celui qui satisfait. Mais avec l'étude de ces noms, ça sera que plus clair, Inch'Allah ta'ala. قال الله تعالى وكفى بالله حسيبا وقال تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. والحسيب هو الكافي الذي كفى عباده جميع ما أهمهم من أمور دينهم ودنياهم، الميسر لهم كل ما يحتاجونه، الدافع عنهم كل ما يكرهونه. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a donc Al-Hasib et Al-Kafi. Pour preuve, dans Sourate Al-Nisa et Sourate Al-Zumar, wa kafa billahi hasiba. Mais Allah suffit pour observer et compter. Quant à Sourate Az-Zumar, Allah ne suffit-il pas à son serviteur? Et ils te font peur avec ce qui est en dehors de lui, et quiconque Allah égare n'a point de guide. Al-Hasib, le sens du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hasib, c'est-à-dire Al-Kafi, alladhi kafa ibadahu jami'a ma ahammahu. C'est celui qui suffit à ses serviteurs dans tout ce qui leur cause du souci. C'est celui qui suffit à ses serviteurs dans tout ce qui leur cause souci, dans tout ce qui les préoccupe, que ce soit relatif à leurs affaires mondaines, ou que ce soit relatif, ou plutôt que ce soit relatif à leurs affaires religieuses, ou que ce soit relatif à leurs affaires mondaines. C'est Allah Azza wa Jal qui suffit à ses serviteurs. Tout ce dont nous avons besoin, tout ce qui nous préoccupe, se trouve auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui Al-Hasib, c'est lui qui nous suffit dans tous nos besoins, pour toutes nos affaires subhanahu wa ta'ala. Celui qui leur facilite tout ce dont ils ont besoin, celui qui repousse d'eux tout ce qu'ils redoutent et peut leur causer une nuisance. Wa min ma'ani al-hasib annahu al-hafiz ala ibadi kull ma 'amilu ahsahu Allah wa nasu wa 'alima ta'ala dhalik wa mayyaza Allah salih al-'amali min fasidi wa hasanahu min qabihi wa 'alima ma yastahiquna min al-jazaa'i ومقدار ما لهم من الثواب والعقاب. Le premier sens du nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Hasib, nous l'avons mentionné. C'est celui qui suffit à ses serviteurs dans l'ensemble de leurs besoins, dans l'ensemble de ce qui leur préoccupe. Ainsi, il leur facilite tout ce dont ils ont besoin et il repousse d'eux tout ce qu'ils craignent et redoutent. C'est le premier sens. Le second sens, الحفيظ على عباده كل ما عملوا. C'est celui qui préserve, dans le sens enregistre, pour les serviteurs tout ce qu'ils ont fait. الحاسب, c'est donc également celui المحاسب, celui qui fait les comptes. Celui qui fait les comptes, subhanahu wa ta'ala. Il enregistre pour les serviteurs tout ce qu'ils font. Allah a tout enregistré et eux ont oublié. Il s'agit ici, où ça fait référence à un passage du Coran. Allah a tout enregistré. Et eux, les serviteurs, ont oublié. Wa alima ta'ala dhalik. Allah azza wa jalla a su tout cela. Wa mayyaza Allah salih al-amal min fasidi. Allah azza wa jalla a parfaitement distingué et séparé les bonnes œuvres des mauvaises. Et il a parfaitement su ceux qui méritaient une récompense, ainsi que la juste mesure à accorder à chacun, que ce soit pour les récompenses ou que ce soit pour les punitions. Donc Al-Hasib, dans le sens de celui qui enregistre l'ensemble des actions de ses serviteurs. Voici le deuxième sens. Quant au nom d'Allah Al-Kafi, الذي كفاية الخلق كل الذي كفى الخلق كل ما أهمهم بيده سبحانه وكفايته لهم عامة وخاصة. الكافي c'est celui qui suffit parfaitement à ses serviteurs. الكافي est celui qui suffit parfaitement à ses serviteurs. Celui qui accorde suffisance à l'ensemble de ses serviteurs dans leurs besoins. Tout ce dont ils ont besoin se trouve dans sa main. Et la suffisance qu'Allah accorde à ses serviteurs est de deux sortes. Premièrement, la suffisance générale. Ça concerne l'ensemble de ses créatures. Deuxièmement, la suffisance particulière. Ça concerne que ceux qui ont foi en lui, comptent pleinement sur lui, ont confiance en lui, lui abandonnent leurs affaires. À cela, Allah accorde une suffisance particulière, comme nous allons le lire, Inch'Allah Ta'ala. Amma al-'am, quant à la suffisance générale accordée par Allah à ses serviteurs, faqad kafa ta'ala jami' al-makhluqati wa qama bi ijadiha wa imdadiha wa i'dadiha li kulli ma khuliqat lah. Wa hayya lil-'ibad min jami' al-asbab ma yughnihim ويقنيهم ويطعمهم ويسقيهم. La suffisance générale est accordée par Allah Azza wa Jal à l'ensemble de ses créatures, du fait que c'est lui qui les a fait exister. C'est lui qui les a créés à partir de rien. C'est lui qui les a fait exister, leur a donné ce dont ils allaient avoir besoin pour se développer. C'est lui qui leur a donné, ou c'est lui qui leur a accordé subsistance. Et les a prédisposés à ce pourquoi ils avaient été créés. C'est lui qui a préparé ses serviteurs en leur accordant l'ensemble des causes qui allaient leur permettre de leur accorder suffisance, de les nourrir, de les abreuver, et de leur donner tout ce dont ils allaient avoir besoin. Ça, c'est la suffisance générale. C'est la suffisance générale, ça revient au sens de Rububiyya, de la Seigneurie. Wa amma al-kifayatul khassa, quant à la suffisance particulière, fa kifayatuhu lil mutawakkili, c'est la suffisance qu'Allah accorde particulièrement à tous ceux qui comptent pleinement sur lui, à tous ceux qui ont confiance en lui, à tous ceux qui abandonnent leur affaire à lui. Wa qiyamuhu bi islahi ahwali ibadi al-muttaqin. C'est cette suffisance qu'il accorde afin de réformer la situation de ses serviteurs purs. Donc al-kifayatul khassa, la suffisance particulière, quant au fait qu'Allah Azza wa Jalla t'accorde tout ce dont tu as besoin parce que tu as abandonné ton affaire à ton Seigneur, parce que tu as eu pleinement confiance en lui, parce que tu comptes que sur lui, parce que tu observes la piété, Allah Azza wa Jal va s'occuper de toutes tes affaires. Il va te suffire dans toutes tes affaires, dans ta dunya et dans ton din. Allah va réformer toutes tes affaires. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbu. Allah nous dit dans sourate At-Talaq, et quiconque compte sur Allah, il lui suffira. Celui qui place sa confiance en Allah, il lui suffira. C'est-à-dire qu'il lui suffira dans toutes ses actions, dans toutes ses affaires, que ce soit ses affaires religieuses ou que ce soit ses affaires mondaines, les affaires de ce bas monde. وَإِذَا تَوَكَّلَ الْعَبْدُ عَلَى رَبِّهِ حَقَّ التَّوَكُّلِ بِأَنْ اِعْتَمَدَ بِقَلْبِهِ عَلَى رَبِّهِ اِعْتِمَادًا قَوِيًّا كَامِلًا فِي تَحْصِيلِ مَصَالِحِهِ وَدَفْعِ مَضَرِّهِ قَوِيَتْ ثِقَتُهُ وَحَسُنَ ظَنُّهُ بِرَبِّهِ حَصَلَتْ لَهُ الْكِفَايَةُ التَّامَّةُ وَأَتَمَّ اللَّهُ لَهُ أَحْوَالَهُ وَسَدَّدَهُ فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَكَفَاهُ هَمَّهُ وَكَشَفَ غَمَّهُ. Parole très importante ici. L'auteur, Cheikh Abd al-Razzaq, Hafidahullah Ta'ala, nous dit: si le serviteur place réellement et véritablement sa confiance en Allah, son Seigneur, et qu'il compte pleinement et uniquement sur lui de tout son cœur, d'une manière ferme et forte, est complète quant à l'obtention des choses profitables et quant au fait de se prémunir contre les choses nuisibles, tout en ayant réellement confiance en Allah Azza wa Jal et en ayant une bonne opinion de son Seigneur, à ce moment-là, s'il réunit ces conditions-là, Allah Azza wa Jal lui accordera la suffisance totale, la suffisance complète, et il complétera pour lui ses différentes situations, il réformera pour lui ses différentes situations, il l'affermira sur la vérité dans ses paroles, dans ses actions, et il lui suffira devant l'ensemble de ses soucis et il dissipera pour lui l'ensemble de ses afflictions. Ainsi on comprend de l'auteur que plus la personne place sa confiance en Allah et plus elle concrétise cette adoration, plus la suffisance d'Allah sera complète sur sa personne. Mais qu'est-ce que comme l'a détaillé ici l'auteur, c'est le fait de compter pleinement avec son cœur sur Allah, en ayant pleinement confiance en lui, quant à l'obtention des choses recherchées et à la préservation des choses redoutées. Donc, être tawakkul, ce n'est pas qu'une parole. J'ai confiance en Allah, je compte sur Allah. Non, être tawakkul, c'est un état du cœur, c'est une adoration qui a la place de la tête par rapport au corps. Être tawakkul, c'est que tu abandonnes ton affaire à Allah. Être tawakkul, c'est que tu comptes pleinement et uniquement sur Allah. Être tawakkul, c'est que tu es pleinement confiance en ton Seigneur quant à l'obtention de ce que tu recherches, mais aussi à la préservation de ce que tu redoutes. Tu as pleinement confiance qu'il est parfaitement omnipotent, tu n'as aucun doute sur cela. S'il décide que tu obtiennes telle chose, tu l'obtiendras, et s'il te protège contre telle chose, tu en seras prémuni. Cette chose là c'est une conviction ferme que tu as dans ton cœur. Tu n'as aucun doute. Ça c'est at-tawakkul ala Allah. Tu as une bonne opinion d'Allah, de par la connaissance que tu as, qu'il est pleinement omnipotent, qu'il est savant, qu'il est miséricordieux, doux, affectueux, qu'il est généreux, qu'il est vivant, il ne meurt pas, il est parfaitement capable. Ben, cette connaissance que tu as d'Allah va développer dans ton cœur, ihsan dhann, tu vas avoir une bonne opinion d'Allah. Tu vas toujours avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme te l'a ordonné le prophète, ahsin dhann bi rabbikum. Ayez une bonne opinion de votre Seigneur. Et celui qui réunit tout cela, que lui arrivera-t-il? Hasalat lahul kifayatut tamma. Il obtiendra la suffisance totale, complète. Et Allah réformera l'ensemble de ses affaires. Et lui accordera la réussite et l'assistance dans toutes ses paroles et dans toutes ses actions. Ses soucis seront dissipés. Et tout ce qui lui cause tristesse, angoisse et affliction, tout cela sera ôté de sa personne. Pourquoi? Parce qu'il a abandonné son affaire, il a abandonné son affaire au Seigneur des mondes, à celui qui dirige tout et qui administre tout, Allah subhanahu wa ta'ala. وهذه منة عظيمة وفضل كبير ينبغي للمسلم أن يكون على ذكر له ليكون حامدا لربه على كفايته شاكرا له على فضله ونعمته. Voici une énorme grâce de la part de notre Seigneur. Voici un bienfait incommensurable et il convient aux musulmans de se le rappeler. Il convient aux musulmans d'en être conscients et de se le rappeler afin qu'ils proclament les louanges de son Seigneur, afin qu'ils se montrent reconnaissants envers son Seigneur du fait qu'il lui accorde la suffisance. وقد ثبت في صحيح مسلم رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكافانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. Il a été rapporté dans le recueil de l'imam Muslim رحمه الله que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم lorsqu'il allait se coucher, disait « Toutes les louanges reviennent de droit à Allah, celui qui nous a nourris, celui qui nous a abreuvés et nous a accordé suffisance et nous a accordé également le gîte, le lieu, yani la maison, l'appartement, l'endroit où nous sommes couverts. Et combien parmi les gens, et combien n'ont pas celui qui leur suffit et, leur, et les abrite. » Le prophète alayhi salatu wa salam ici montre sa reconnaissance envers Allah azza wa jal du fait qu'il lui accorde la suffisance. Chaque soir, lorsqu'il allait se coucher, il remerciait Allah pour ses bienfaits. Il remerciait Allah tabaraka wa ta'ala pour ce grand bienfait. Il remerciait Allah azza wa jal pour la nourriture. Il remercie Allah Azza wa Jal pour la boisson. Il remercie Allah pour la suffisance. Et il remercie Allah pour le gîte, pour l'appartement. Qui parmi nous n'a pas ces bienfaits-là? Si on trouve parmi nous une personne qui n'a pas à manger, si on trouve parmi nous une personne qui n'a pas eu à boire aujourd'hui, si on trouve parmi nous une personne à qui Allah n'a pas suffi, si on trouve parmi nous une personne à qui Allah n'a pas accordé le lieu de séjour, le lieu de repos, le lieu où il peut dormir, être couvert, lui, son épouse et ses enfants, alors c'est vraiment une minorité parmi la minorité. Une autre question, qui parmi nous est reconnaissant comme l'était le prophète alayhi salat wa salam pour ses bienfaits? S'il s'agit de la nourriture, le prophète alayhi salat wa salam, sachez que Aïcha radiallahu anha nous dit qu'il se passait al-hilal, wal-hilal, wal-hilal. Le croissant de lune arrivait, c'est-à-dire le nouveau mois. Puis le nouveau mois arrivait, puis le nouveau mois arrivait sans qu'on allume la cheminée chez le prophète, alayhi salat wa sallam. On ne mangeait pas, yani durant 3 mois d'affilée par moment, on ne faisait pas cuire de la viande. On ne faisait pas cuire de la viande. Qui parmi nous est dans cette situation? Qui parmi nous est dans cette situation? Pourtant le prophète alayhi salat wa salam, chaque soir il va se coucher et il voit qu'Allah l'a favorisé au-dessus de beaucoup de ses serviteurs et qu'il lui a accordé la suffisance, une subsistance qui maintient son corps debout, une subsistance qui lui permet de se lever pour adorer Allah azza wa jal. Ça c'est la suffisance. Ça c'est la suffisance. Deuxièmement, wasaqana, c'était de l'eau. C'était un peu d'eau. Qui parmi nous n'a pas ce bienfait-là? Qui parmi nous n'ajoute pas à de l'eau différentes boissons, toutes sortes de boissons? Même l'eau que nous achetons maintenant, nous choisissons telle eau de source ou telle autre, telle eau gazeuse ou telle autre, avec des bulles ou sans. Est-ce qu'on remercie Allah Azza wa Jal comme le faisait le prophète alayhi salat wa salam chaque fois qu'il allait se coucher? Troisièmement, wakafana. Allah Azza wa Jalla nous a accordé la suffisance. C'est lui qui gère toutes nos affaires. C'est lui qui administre toutes nos affaires. C'est lui qui nous a créés, qui nous a fait grandir, qui nous a permis d'atteindre le terme déterminé dans le ventre de nos mères, puis de rester vivants après cet accouchement. puis de boire, puis de manger, puis de se développer, puis de savoir, d'apprendre, puis d'adorer Allah Azza wa Jal, puis de commettre, de faire ce qui est licite, de s'éloigner de l'illicite. Qui nous suffit dans toutes ces affaires mondaines et religieuses? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que nous nous sommes montrés reconnaissants pour ce bienfait? Et enfin, wa awana, il nous a accordé le logement. Il nous a accordé le logement. Ne connaît la valeur de ce bienfait que celui qui en a été privé. Combien sont ceux qui cherchent un logement avec grande difficulté? Et ça n'est pas toujours qu'une histoire pécuniaire, une affaire d'argent. Certains ne trouvent pas, malgré qu'ils ont l'argent, ils ne trouvent pas de logement. Ils ne trouvent pas de logement. Alors ils se retrouvent dans la difficulté. Ou bien il ne peut pas se marier, ou bien il ne peut pas vivre avec son épouse, ou bien il doit séparer ses enfants. Mettre ses enfants dans un endroit et mettre d'autres enfants dans un endroit où lui il reste avec tel et tel enfant chez ses parents et son épouse elle reste avec tel et tel autre enfant chez ses parents. Mais nous, Allah Azza wa Jal nous a facilité pour 99,9% d'entre nous le logement. Est-ce qu'on se montre reconnaissant envers Allah Azza wa Jal comme le faisait le prophète sallam? Savez-vous quel était le logement du prophète alayhi salatu wassalam? C'était une pièce. C'était une pièce. Lorsqu'il priait la nuit chez Aïcha radiallahu anha et qu'il descendait pour se prosterner, elle nous rapporte qu'il lui poussait les pieds. Allahu Akbar, quel est cet appartement où l'homme pour se prosterner il est proche de son épouse? L'endroit où elle dort, il se retrouve proche d'elle lorsqu'il se prosterne. Lorsqu'il se déploie pour se prosterner, il lui poussait les pieds. Et une nuit, Aïcha se réveille, radiallahu anha. Elle cherche le prophète, alayhi salatu wassalam, et à l'époque, il n'y avait pas de lanterne. Il n'y avait pas de lumière. Alors elle fait ainsi avec sa main, elle le cherche. Elle dit, c'est alors que la paume de ma main a touché la plante de ses deux pieds. Subhanallah, quel est cet appartement? Est-ce qu'on pense que c'est un appartement avec du carrelage, avec de la décoration, avec un chauffage et ainsi de suite? Non. Mais c'est le minimum par lequel il se voit préserver lui et sa famille. Malgré ça, chaque soir, lorsqu'il va se coucher, il se voit parmi les favorisés. Parce qu'il connaît Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui a donné la suffisance. Allah Azza wa Jal lui a donné la suffisance. Celui qui trouve ce sentiment dans son cœur, yusbihu aghnan nas, il devient le plus riche. Il devient le plus riche. Quant à celui qui ne comprend pas ses sens, quels que soient les bienfaits par lesquels Allah le comble, il se verra toujours dans le besoin. Il se verra toujours dans le besoin. Et si on lui apporte ceci et cela, il dira, mais je n'ai pas ça. Il dira, je n'ai pas ça. Même s'il a un 5, il dira, je n'ai pas de maison. Et s'il a une maison, il dira, je ne suis pas propriétaire. Et s'il a de la viande, il dira, je n'ai pas de poisson. Et ainsi de suite. Subhanallah. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cette qualité-là, la suffisance. Celui à qui Allah accorde la suffisance, il sera le plus riche. Il sera le plus riche. Et comme a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, al-rina, rina al-qalb. La richesse, c'est la suffisance qu'Allah te met dans le cœur. La richesse, c'est la richesse du cœur, c'est la suffisance qu'Allah subhanahu wa ta'ala te met dans le cœur. Donc cette dua qui a été rapportée dans un recueil authentique, le livre de Muslim, de l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, on la mémorise et on la prononce chaque soir lorsqu'on va se coucher. Alhamdulillahilladhi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. On remercie Allah pour ces quatre choses. Fa kam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Elle est courte, elle est très profitable. Ainsi tu te rappelleras régulièrement et constamment le grand bienfait d'Allah Azza wa Jal quant au fait de t'accorder la suffisance, et tu te montreras donc un serviteur reconnaissant. Car celui qui oublie, celui qui est distrait, insouciant devant les bienfaits d'Allah, comment est-ce qu'il pourrait le remercier? Comment est-ce qu'il pourrait lui témoigner sa reconnaissance alors qu'il est distrait de ses nombreux bienfaits? Écoutez la suite. وَالْعَبْدُ لَا غِنًا لَهُ عَنْ رَبِّهِ طَرْفَةَ عَيْنِ. Écoutez bien cela. Le serviteur ne peut se passer de son Seigneur, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Comment est-ce qu'on pourrait ne pas remercier Allah pour ce bienfait, alors que chacun d'entre nous n'a pas la capacité de se passer de son Seigneur, Allah subhanahu, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Et le clin d'œil, c'est l'expression utilisée chez les Arabes pour dire le temps le plus court. C'est pour cela que je trouve dans l'invocation « Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih sha'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn. » Le prophète alayhi salat wa salam chaque jour demandait à Allah azza wa jalla de ne pas l'abandonner à sa propre personne, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. C'est-à-dire un instant infime. Ben sachez, Khouanil Kiram, que personne d'entre nous n'a la capacité de se passer de son Seigneur, ne serait-ce qu'un instant, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. بِأَنْ يَكُونَ لَهُ حَافِظًا كَافِيًا مُسَدَّدًا هَادِيًا. Personne ne peut se passer d'Allah. Personne ne peut se passer de son Seigneur, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Il a besoin de lui pour être protégé. Il a besoin de lui pour être préservé. Il a besoin de lui afin qu'il lui suffise. Il a besoin de lui afin qu'il l'affermisse. Il a besoin de lui afin qu'il le guide. وَلِذَا شُرِعَ لِلْمُسْلِمِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ يَخْرُجُ فِيهَا مِنْ بَيْتِي أَنْ يَقُولْ بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. C'est pour cela qu'il a été légiféré aux musulmans, chaque fois qu'il sortira de chez lui, de dire: au nom d'Allah, je place ma confiance en Allah, et il n'y a de capacité à passer d'un état à un autre et de force pour le faire que par Allah. À chaque fois que tu sors de chez toi, il t'est légiféré de dire cela. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. J'abandonne mon affaire à Allah, je compte sur Allah, j'ai pleinement confiance en Allah. Quant à la chose que je recherche en sortant, ou pour être préservé d'un mal, j'ai pleinement confiance en Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Je suis faible si ce n'est par Allah. Je peux devenir fort. Je ne peux passer d'un état à un autre si ce n'est avec l'aide d'Allah. Pourquoi est-ce que nous disons ça à chaque fois qu'on sort de chez nous? À chaque fois que nous sortons de chez nous. Liyukfa hammu wa hajatu. Afin qu'Allah te suffise dans toutes tes affaires, tous tes besoins. وَلِيُّقَى فِي الشُّرُورِ وَالْآفَاتِ. Et pour que tu sois préservé, protégé devant tous les maux et toutes les nuisances. وَلِيُحْفَظَ مِنْ عِدْوَانِ مُعْتَدٍ أَوْ ظُلْمِ ظَالِمٍ. Et pour qu'Allah Azza wa Jal te protège de la transgression de tout transgresseur et de l'injustice de tout injuste. À chaque fois que tu sors de chez toi, tu dis cela. Savez-vous quelle est la récompense qu'Allah Azza wa Jal vous donne? Quelle est la rétribution qu'Allah vous donne si vous dites cette courte invocation? Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qui ne mémorise pas cette invocation? Qui ne mémorise pas cette invocation? Tout le monde connaît cette invocation? Alhamdulillah. Sinon, on l'apprend tout de suite. Sinon, on l'apprend tout de suite. Ce qu'on lit ici, qu'on étudie ici, c'est pas pour finir le livre vite. C'est pour appliquer. C'est pour vivre ces choses. C'est pour avoir la réalité de la science qui découle de ça. Ainsi, il faut apprendre ces invocations. Il faut apprendre les invocations du réveil, du coucher, les invocations lorsque tu sors de chez toi, lorsque tu rentres chez toi, na'am, et ainsi de suite. Afin qu'Allah Azza wa Jal soit avec toi. Afin qu'Allah t'assiste. Afin qu'Allah te protège, te soigne, repousse de toi tout le mal, afin que tu vives heureux dans ce bas monde avant l'au-delà. Il te faut mentionner Allah et invoquer Allah. Il te faut prononcer ces invocations quotidiennes, matinales, la journée, le soir et en toutes circonstances, lors du vent, lors de la pluie, lors de la peur, lors de la tristesse, du souci, de l'affliction. Il te faut prononcer les invocations. Aujourd'hui, après le Jumu'ah, un homme est venu à la mosquée. Il n'était pas musulman. Et il a demandé à me parler. Il est venu, il s'est assis comme on s'assoit ici. Et il m'a dit, je ne suis pas musulman. Est-ce que je peux vous poser une question? Je lui ai dit, vous pouvez. Et il m'a dit, je souffre. Il m'a dit, je suis malade. Et je souffre, je sors d'une dépression ou j'essaye d'en sortir. J'ai des problèmes et je suis mal. Pouvez-vous m'orienter? Allahu Akbar. Après avoir consulté les médecins et demandé un tel, un tel, un tel, où il finit? Dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je l'ai orienté à la foi. Je l'ai orienté par la grâce d'Allah Azza wa Jal à la foi authentique, aux œuvres pieuses. Puis, à ce qui nous a été enseigné dans le Coran et la Sunna, en lui résumant ce qu'a cité le grand savant Abdurrahman ibn Nasir Sa'di dans le Wasa'il al-Mufida, il Hayat al-Sa'ida. Les moyens utiles pour vivre une vie heureuse. Les moyens utiles pour vivre une vie heureuse. Et je suis revenu à ce livre par la grâce d'Allah Azza wa Jal, puis par l'orientation de mon cher et fidèle ami, Akhuna Da'i al-Muwaffaq, Inch'Allah Ta'ala, Akhuna Sadaq, Abu Yahya, car j'ai assisté, j'ai eu l'honneur d'assister à son cours, il y a quelques jours, il enseigne ce livre très profitable. Il enseigne ce livre très profitable, et les audios seront prochainement disponibles. J'ai grandement profité de ce cours-là, et je vous recommande de prendre ce livre, il est en arabe, il est en français aussi. Il est en arabe, il est également en français. Mais les savants l'ont expliqué, il est extrêmement profitable. Il est extrêmement profitable. Les causes pour vivre une vie heureuse. Quand est-ce qu'il a écrit ce livre-là? Il était au Liban, malade. Il s'est rendu dans ce pays pour se faire soigner. Et il avait une migraine presque insupportable. C'est alors que, dans la main de son fils, un livre sur le bonheur écrit par un non-musulman. Il regarde ce livre, il le feuillette. Et il dit, je vais écrire un livre pour les musulmans. En basant sur le Coran et la Sunna. Et de tête, il a écrit ce livre. Dans quel état il était? Allongé. À l'étranger. À l'hôpital, sur son lit d'hôpital. Et le médecin lui a interdit de lire. Il a dit à son fils, amène-moi des feuilles et un stylo. Et lorsque le médecin entrait, il cachait les feuilles. Non. Puis lorsqu'il partait, il écrivait. Et au final, ça a donné ce livre. Voici l'héritage des prophètes. Voici l'héritage des prophètes. Il ne peut s'empêcher, le savant, il ne peut s'empêcher de propager le bien. Et comme il a été dit, celui qui veut que ses hasanat perdurent après sa mort, falyanshur al-ilm, qu'il propage la science. Qu'il propage la science. Combien on tire profit des leçons des savants et ils sont morts depuis longtemps. Mais ce sont des hasanat. Ce sont des hasanat. Combien nous a enseigné, ils sont décédés, rahmatullahi alayhi, et on continue de transmettre, ce sont des hasanat. Ainsi on apprend cette invocation. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kalimatu tafwid, kalimatu tawakkulin ala Allah. C'est une parole où tu abandonnes ton affaire à Allah. C'est une parole où tu comptes sur Allah. C'est une parole où tu dis tu es faible et Allah est fort. Tu ne peux rien sans Allah Azza wa Jal. Quelle est la rétribution? Quelle est la récompense? Écoute. Wa rawa Abu Daoud wa Tirmidhi wa ghayruhuma rahmatullahi alayhima an Anas ibn Malik radiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala idha kharaja ar-rajul min baytihi faqal bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah qala yuqalu hina idhin hudita وكفيت ووقيت ويتنحى عنه الشيطان فيقول شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي لا حول ولا قوة إلا بالله. Anas ibn Malik nous rapporte que le messager d'Allah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'homme sort de chez lui, ou à chaque fois que l'homme sort de chez lui, s'englobe aussi la femme, et dit, Bismillah, au nom d'Allah, tawakkaltu ala Allah, j'abandonne mon affaire à Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de force ni de puissance pour passer d'un état à un autre, si ce n'est pas Allah, il lui sera dit, alors, tu as été guidé. suffit et préservé. Et le diable s'éloigne de lui. Parce que lorsque tu sors de chez toi, il y a un shaitan qui t'attend pour t'égarer. Ce diable-là, le prophète dit, وَيَتَنَحَّ عَنْهُ الشَّيْطَانِ. Le diable s'éloigne de lui. Et il dit, un autre diable qui tenterait de l'égarer, que peux-tu faire contre un homme qui a été guidé, qui a été suffi et prémuni? Al-Shaytan fait désespérer l'autre diable de t'égarer. Pourquoi? Parce que tu es sous la protection d'Allah. Tu es sous la protection d'Al-Kafi, subhanahu wa ta'ala. Regardez l'impact des invocations, l'impact de dua. Ces invocations qu'on minimise, ces invocations qu'on peine à prononcer, ces invocations que même certains étudiants disent du fait qu'Allah ne leur a pas accordé réussite, lorsque d'autres enseignent cela, c'est quoi ça? C'est du soufisme ou quoi? Inna lillahi wa inna raji'un. Enseigner la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, c'est du soufisme. Ad-du'a huwa al-ibada. Et toi tu dis c'est du soufisme? Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Et toi tu dis c'est du soufisme? Parmi les dernières recommandations du prophète alayhi salatu wa salam à Abu Dharr et à d'autres, que ta langue ne cesse d'être humide par l'évocation d'Allah Azza wa Jalla. Ça c'est din, ça c'est sunna, ça c'est tariq al-mustaqim. Le fait que tu rattaches toutes tes affaires à Allah Azza wa Jalla. Le fait que tu éduques ton cœur à compter à chaque instant sur Allah. Le fait que tu rattaches ta personne et tu l'abandonnes à ton maître, à ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est l'essence même de l'islam. Ça c'est l'essence même de la croyance authentique de l'islam. Mais l'ignorant qui n'a pas goûté à cela malheureusement, il voit que ça n'est même pas une partie de la religion. Ay hudita ila tariq al-haq was-sawab wa kufita min kulli hammin dunyawi aw ukhrawi wa wuqita min sharri a'da'ik min ash-shayatin wa ghayrihim. C'est-à-dire que tu auras été guidé sur le chemin de la vérité et de la réussite. Et tu obtiendras la suffisance contre tout souci en rapport avec ce bas monde ou en rapport avec l'au-delà. Et on te protégera contre le mal de tous tes ennemis et de tous les diables et d'autres encore. Et كفايه الله الخاصه باوليائه المؤمنين وعباده المتقين قال تعالى اليس الله بكاف عبده وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Et le noble Coran nous enseigne que celui qui concrétise la servitude à Allah et qui parfait le fait de placer sa confiance en lui et de lui abandonner son affaire, ce dernier obtiendra la suffisance d'Allah. La suffisance particulière, celle qu'il accorde à ses bien-aimés, ses rapprochés parmi les serviteurs pieux et croyants. Allah nous dit dans son livre, sur la traduction du sens de cette partie du verset, n'est-ce pas qu'Allah, ou Allah n'est-il pas suffisant pour son serviteur? Allah n'est-il pas suffisant pour son serviteur? Les savants ont dit de cela. Plus le serviteur concrétise l'ubudiyya, plus Allah lui accordera la suffisance. Car il nous dit, alaysallahu bikafin abda. N'est-ce pas qu'Allah suffit à son serviteur? Allah n'est-il pas suffisant pour son serviteur? Sans aucun doute. Ben plus tu es le serviteur d'Allah, plus tu concrétises la servitude, plus tu abandonnes ton affaire à Allah tout en faisant les causes, plus Allah t'accorde la suffisance. Et dans l'autre verset, وَمَا يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et quiconque compte sur Allah, il lui sera suffisant. قال ابن القيم رحمه الله وَالتَّوَكُّلُ مِنْ أَقْوَى الْأَسْبَابِ الَّتِي يَدْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مَا لَا يُطِيقُ مِنْ آذَى الْخَلْقِ وَظُلْمِهِمْ وَعُدْوَانِهِمْ وهو من أقوى الأسباب في ذلك فإن الله حسبه أي كافيه ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره إلا أذى لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش وأما أن يضره بما يبلغ منه مراده فلا يكون أبدا وفرق بين الأذى الذي هو في ظاهر إيذاء له وهو في الحقيقة إحسان إليه وإضرار بنفسه وبين الضرر الذي يتشفى به منه. ابن القيم رحمه الله تعالى نجد placer sa confiance en Allah est une des plus grandes causes par laquelle le serviteur repousse de lui le mal qu'il redoute des créatures et les nuisances qu'il ne souhaite pas supporter comme leurs injustices, leurs transgressions. C'est une des plus grandes causes pour cela, pour qu'Allah le protège. Car Allah est celui qui lui suffit. Car Allah est celui qui lui suffit. Et celui qui a Allah pour lui suffire et pour le protéger, sachez qu'aucun de ses ennemis ne pourra espérer lui faire du mal. Si Allah est ton protecteur, si Allah est ton garant, celui qui te suffit, aucun de tes ennemis ne pourra espérer te toucher. Personne ne pourra te causer un réel tort. Ça ne sera que des nuisances inéluctables, comme la chaleur, comme le froid, la faim, la soif. Ce sont des petites nuisances qu'on ne peut éviter. Par contre, le fait que ton ennemi réussisse à te causer un réel tort et à atteindre son but pour t'anéantir, il n'en sera jamais ainsi, car tu es le servant d'Allah, celui qui a la suffisance émanant d'Allah, la protection par Allah ou la protection d'Allah. Et il y a une différence entre le fait de subir quelques nuisances en apparence reçu par une créature, un serviteur. Ah, ça c'est en apparence, parce qu'en réalité le shir, ou Ibn al-Qayyim nous dit, en réalité il te fait du bien. Quand il te fait du mal, en réalité il ne fait que se faire du mal à lui-même. Quant à toi, c'est une bienfaisance envers toi. Et le mal revient sur lui. Il y a une différence entre cette nuisance-là et le fait qu'il réussisse à t'atteindre réellement et à atteindre son but quant au fait de t'anéantir et d'être satisfait de t'avoir touché d'un mal. Celui qui te fait du mal, par exemple, parce qu'il a parlé sur toi, parce qu'il a menti sur toi, parce qu'il a médit en ton absence. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit: faites les comptes dans ce bas monde et acquittez-vous de vos devoirs envers les gens. Si vous avez fait un mal, demandez pardon dans ce bas monde. Avant d'arriver le jour de la résurrection, où il n'y aura que des hasanat et des seyyiat. Ainsi arrivera le jour dernier des gens avec des montagnes de hasanat, mais ils ont frappé un tel, ils ont fait couler le sang de un tel, ils ont médit d'un tel, ils ont pris l'argent d'un tel, ils ont refusé le droit d'un tel. Alors ils viendront et ils se serviront de ces hasanat. Ils se serviront encore de ces hasanat et se serviront encore de ces hasanat. Hatta idha faniyat. Jusqu'à ce qu'elles disparaissent, qu'il n'en reste plus. À ce moment-là, que se passera-t-il? Ils vont se décharger sur lui de leur seyyiat, de leur péché. Ils vont se décharger sur lui de leur péché. Jusqu'à ce qu'il tombe en enfer. Wal-iyadu billah. Ce jour-là, après la balance et les comptes, celui à qui il reste une hasana, il rentre au paradis. Une seule, il rentre au paradis. Ce jour-là, tu auras besoin de quoi? Tu auras besoin d'argent? De force? De ta famille? Tu auras besoin de quoi? De hasanat. Ce jour-là, ra'sul mal, c'est les hasanat. Et tu arrives, tu cherches des hasanat. La mère, le père demandera les hasanat de ses enfants. Ils diront non. Quel père étais-je pour toi? Le meilleur des pères. Donne-moi une hasana, non. Quelle mère étais-je pour toi? La meilleure des mères. Donne-moi une hasana, non. Yawma yafirru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abi. le jour où l'homme se sauvera de sa propre mère, de son frère, de sa propre mère, de son père. Il se sauvera de ces gens-là vers lesquels il voyageait dans ce bas monde. Ces gens qui l'ont mis au monde, subhanallah. Une hasana, il ne voudra pas la donner à ces gens. Et là, il a besoin de hasanat. Qu'est-ce qu'il trouve? Celui qui lui a fait du tort dans ce bas monde, qui ne s'est pas repenti. Vous pensez qu'il va se gêner pour prendre les hasanat? Il va prendre ses hasanat. Et s'il n'a plus de hasanat, il va se décharger de ses seyyi'at. Donc, celui qui te fait du tort dans ce bas monde, il se fait du tort à lui-même. Il se fait du tort à lui-même. Quant à toi, si tu patientes, on t'efface des péchés, on t'élève en degré, et au mal qiyama, on te donne ses hasanat. Ou tu te déchargeras de tes seyyi'at. Et on demande à Allah qu'il nous pardonne. Et qu'on ne soit pas la cause d'un châtiment infligé à un musulman au mal qiyama. قال بعض السلف جعل الله تعالى لكل عمل جزاء من جنسه وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبده فقال وما يتوكل على الله فهو حسبه ولم يقل نؤته كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه وواقيه فلو توكل على العبد فلو توكل العبد على الله تعالى حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل له مخرجا من ذلك وكفاه ونصره. Certains parmi les pieux prédécesseurs ont dit: Allah subhanahu wa ta'ala a mis en rétribution pour chaque action une chose de la même catégorie, une chose de la même sorte. Exception faite pour être tawakkul. Exception faite pour être tawakkul. Il a mis en rétribution le fait qu'il lui donne quoi? La suffisance. Quand on fait une bonne action, Allah nous promet quoi dans le Coran? Falahu ashur amthaliha. Toute personne qui fait une bonne action, Allah Azza wa Jalla lui donne 10 fois son équivalent, n'est-ce pas? Pour être tawakkul, on n'a pas dit ça. La récompense du tawakkul, c'est la suffisance d'Allah accordée à son serviteur. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui accordera sa suffisance. Il n'a pas dit on lui donnera telle et telle chose. Comme pour les autres œuvres. Mais c'est plutôt Allah lui-même qui lui suffira de par le tawakkul qu'il a eu. De par le fait qu'il a abandonné son affaire à compter que sur lui, il lui donnera la suffisance, la protection. Puis, il dit, si le serviteur plaçait réellement et véritablement sa confiance en Allah, et que l'ensemble des habitants des cieux et de la terre complotaient contre lui, Allah lui accorderait une issue favorable. Allahu Akbar. La suffisance et le secours. Subhanallah. Est-ce que tu imagines les habitants d'un seul quartier? Tu habites dans un quartier, les habitants d'un seul quartier s'unissent contre toi pour te toucher d'un mal. Ils complotent contre toi pour te toucher d'un mal injustement. Dans quel état serais-tu? Sans aucun doute. Une grande peur, une grande crainte. On nous dit ici, si le serviteur abandonnait réellement son affaire à Allah, comptait pleinement sur lui, en ayant une parfaite opinion de son Seigneur, et on ne dit pas un quartier, une ville, un pays, on dit l'ensemble des habitants des cieux et de la terre, tous ces gens complotent contre lui, Allah Azza wa Jalla leur est secours. Allah Azza wa Jalla lui accorderait une issue profitable et favorable. N'avez-vous pas vu la bataille de Badr? N'avez-vous pas lu et étudié la bataille de Badr? Ils sont venus. Les musulmans n'étaient pas préparés. À la Réliniat. Ils étaient près de 1000. Avec des chevaux, avec des chameaux, avec des armes. Et ils sont sortis apprêtés, préparés à cela. Et les musulmans étaient environ 314. Allah subhanahu wa ta'ala les a secourus. les a suffi, leur a accordé une issue favorable et les a défendus. N'avez-vous pas étudié la Ghazwatul Ahzab, la bataille des coalisés? Quraysh et ses alliés se sont unis avec des habitants de Médina, ils se sont unis contre eux, les musulmans. Allah Azza wa Jal a suffi aux musulmans et ils n'ont même pas eu à combattre. Qu'est-ce qu'il a fait subhanahu wa ta'ala lorsqu'ils ont réellement placé leur confiance en Allah? Il a envoyé un vent. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ Et ne connaît l'armée de ton Seigneur que lui. Un vent, il a envoyé un vent qui a éteint leur feu, retourné leur marmite, défait leur campement. Et au final, leur chef a dit, radiallahu anhu, avant son islam, Abu Sufyan, vous n'avez pas de lieu de séjour ici, rentrons à Mecca. Avec un vent, Allah Azza wa Jalla leur a suffi. Avec un vent, Allah subhanahu wa ta'ala leur a suffi. Donc celui qui concrétise cette adoration, il vivra une vie remplie de bien et de suffisance. وربط الكفاية بالتوكل من ربط الأسباب بمسبباتها. الله عز وجل كافي من يثق به ويحسن التوكل عليه ويحسن التوكل عليه ويحقق الالتجاء إليه في نوائبه ومهماته. وكلما كان العبد حسن الظن بالله العظيم العظيم الرجاء فيما عنده صادق التوكل عليه فإن الله لا يخيب أمله في فيه البتة. Le lien qu'il y a entre la suffisance et le fait de compter sur Allah, c'est un lien de cause à effet. Ainsi, Allah accorde suffisance à celui qui a confiance en lui et qui sait abandonner son affaire à Allah et qui parfait pleinement le fait de se diriger vers son Seigneur dans toutes ses difficultés, dans tous ses états et ses affaires. Et plus le serviteur, ou bien à chaque fois que le serviteur a une bonne opinion de son Seigneur immense et a un bon espoir en lui et que sa confiance en Allah est véridique, ben Allah ne le décevra jamais. Allah Azza wa Jal ne le laissera jamais perdant. Et il ne sera jamais déçu de son Seigneur. Allah lui accordera toujours. Subhanah. Wa la yastabti'u al-'abd kifayat Allah lahu idha badala asbabaha. Wa la yastabti'u al-'abd kifayat Allah lahu إذا بذل أسبابها فإن الله بالغ أمره في الوقت الذي قدره له ولذا قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسب إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال ابن القيم رحمه الله فلما ذكر كفايته للمتوكل عليه فربما أوهم ذلك تعجيل الكفاية وقت التوكل فعقبه بقوله قد جعل الله لكل شيء قدرا أي وقتا لا يتعداه فهو يسوقه إلى وقته الذي قدره له فلا يستعجل المتوكل ويقول قد توكلت ودعوت فلم أرى شيئا ولم تحصل لي الكفاية فالله بالغ أمري في وقته الذي قدر له. انتهى كلامه من إعلام الموقعين. Le serviteur ne doit pas trouver long la suffisance qu'Allah lui apportera. Il ne doit pas sentir que ça vient trop lentement du fait qu'il a fait les causes. Non, car certes, Allah subhanahu wa ta'ala a fixé un délai déterminé. Allah azza wa jalla a tout décrété, ça arrivera au moment où Allah azza wa jalla l'a décrété et l'a su. C'est pour cela que dans Surah At-Talaq, on nous dit: et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Allah atteint ce qu'il se propose et Allah assigne une mesure à chaque chose. Pourquoi, après avoir mentionné la suffisance qu'Allah donnera à son serviteur, on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a assigné une mesure à chaque chose? Allah a décrété. Allah Azzawajal a fixé un terme, ça arrivera au terme fixé par Allah. Parce que le serviteur, il se peut qu'il s'impatiente. Et il dise, moi j'ai fait les causes, mais j'ai pas reçu la suffisance. Allah Azzawajal t'a promis une chose, mais il t'a aussi dit que ça viendra selon son décret. Au terme qu'il a décidé et fixé, subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala nous dit, lorsqu'Allah mentionna sa suffisance pour ceux qui placent leur confiance en lui, il se peut que de manière illusoire, le serviteur trouve long ou bien se presse de recevoir cette suffisance. Il se dit, dès que tu places ta confiance en Allah, tu as tout de suite la suffisance dans toutes tes affaires. Ça, c'est une illusion. Certes, c'est la promesse d'Allah, mais elle est rattachée à son décret et au destin. Donc ça arrivera lorsqu'Allah Azza wa Jalla l'a décrété. Donc personne ne peut outrepasser le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le monde y sera guidé. Donc tu fais la cause, tu n'as qu'à patienter à attendre la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne sois pas pressé. Et ne dis pas, j'ai placé ma confiance en Allah, j'ai fait dua et je n'ai rien vu. Et je n'ai pas reçu la suffisance. Non, Allah subhanahu wa ta'ala tient sa promesse. Il ne manque jamais à sa promesse. Mais toute chose est fixée chez Allah pour un terme déterminé dans sa juste mesure. وفي مثل هذا المقام كثيرا ما يتنازل بعض الناس عن مثل هذه المعاني الجليلة إلى استخذاء للمخلوقين وتذلل لهم وانكسار بين يديهم لينال بعض مآربه ويحصل بعض مطامعه غير مبال بكون ذلك على حساب دينه ونيل رضا ربه عز وجل فيخسر كفاية الله لأوليائه. Dans ce genre de situation, il arrive souvent que certaines personnes attribuent ces sens immenses aux créatures. Elles s'humilient aux créatures et se fragmentent et se décomposent devant les créatures pour espérer avoir une partie des choses recherchées, sans faire attention à ce qu'il pourrait perdre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa religion comme l'agrément de son Seigneur. Ainsi il perd la suffisance d'Allah. Celui qui a un besoin, celui qui est dans la difficulté, si au lieu de faire descendre son besoin chez Allah, il le fait descendre chez les créatures, si au lieu de compter pleinement sur Allah, il compte sur la créature, si au lieu de lever les mains vers Allah, il lève la main vers la créature, ben il risque de perdre la suffisance. Il risque de perdre ce grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. À ce propos, il arrive souvent que certains concède ce genre de signification éminente pour s'humilier, se soumettre et se rabaisser devant les hommes afin d'atteindre leurs objectifs ou de réaliser certaines ambitions. Ils ne se soucient nullement de savoir si cela se fait au détriment de la religion et de l'agrément divin, perdant ainsi en charge qu'Allah réserve la prise en charge qu'Allah réserve à ses alliés. ومن اشتغل بالله عن نفسه كفاه الله مؤنة نفسه ومن اشتغل بالله عن الناس كفاه الله مؤنة الناس ومن اشتغل بنفسه عن الله وكله الله إلى نفسه ومن اشتغل بالناس عن الله وكله الله إليهم. Dans le livre Al-Fawaid ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il nous dit, Allah assumera les besoins personnels de celui qui se soucie de lui au lieu de sa propre âme. Quiconque se préoccupe d'Allah et non des gens trouvera auprès de lui ce que ceux-ci sont susceptibles de lui apporter. Allah livrera à sa propre âme celui qui ne pense qu'à sa personne. Donc à l'inverse, si tu penses qu'à toi, ne te soucie pas d'Allah Azza wa Jal, à ce moment-là, tu seras abandonné à ta propre personne, sans égard pour Allah. Le Seigneur livrera aux gens quiconque se soucie d'eux au lieu d'Allah. Celui qui se dirige vers les gens et cherche son besoin chez les gens, Allah Azza wa Jal l'abandonne à ces gens-là. Et celui qui se soucie d'Allah, des droits d'Allah, de ses devoirs envers Allah, Allah Azza wa Jal va le récompenser pour ça. Et en plus de cela, il va lui suffire dans toutes ses affaires et faire en sorte qu'il n'ait pas besoin de tendre la main aux gens. وروى الترمذي في جامعه رحمه الله أن معاوية رضي الله عنه كتب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن اكتبي إلي كتابا توصيني فيه ولا تكثري عليه. فكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية: سلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضاء الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، والسلام عليك. إمام الترمذي رحمه الله rapporte que معاوية رضي الله عنه, et ce hadith est authentifié par l'imam al-Albani, معاوية écrit une lettre à la mère des croyants Aïcha رضي الله عنها en lui disant: écris-moi une lettre pour me faire des recommandations sans trop t'étaler. Elle ne mentionne pas beaucoup de choses. Sois concise dans cette exhortation, cette recommandation. Elle lui écrit, elle lui répondit: que la paix soit sur toi. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: Allah épargnera les provisions humaines à celui qui recherche son agrément, même si cela engendre la colère des gens. En revanche, Allah confiera aux gens quiconque recherche leur assentiment en suscitant son courroux, sa colère, et que la paix soit sur toi. Aïcha radiallahu anha, la mère des croyants, a recommandé à Muawiyah radiallahu anha. Regardez sahaba entre eux, radiallahu anha. Muawiyah, malgré sa grande place, sa grande science, il demande à Aïcha des recommandations. Il demande à Aïcha radiallahu anha des recommandations. Elle lui a dit: assalamu alayk, ou plutôt salamun alayk. Elle a commencé ses nakira al-salam, salamun alayk. Elle a fini avec assalamu alayk. Ça fait partie du comportement dans la lettre. Lorsque tu écris une lettre, au début, le salam, tu le mets sans elle. Tu dis salamun alayk, par exemple. Et quand tu l'as fini, tu dis wassalamu alayk. Comme on trouve dans Surat Maryam. Ça commence nakira, ça finit ma'arifa. Elle lui a dit: j'ai entendu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: celui qui recherche l'agrément d'Allah, quand bien même il recevrait la colère des gens, Allah lui accordera sa suffisance. Et celui qui recherche l'agrément des gens, quand bien même il recevrait la colère d'Allah, Allah l'abandonnera à ces gens-là. Voici la recommandation de Aïcha radiallahu anha, la mère des croyants. ومما يحقق للعبد السلامة في هذا الباب أن لا يجعل الدنيا مبلغ علمه وأكبر همه. وفي الحديث: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله هم الدنيا، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أودية هلك. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني رحمة الله عليهما. وروى ابن أبي شيبة عن أبي عون وهو محمد بن عبيد ابن عبيد الله بن سعيد قال: كان أهل الخير إذا التقوا يوصي بعضهم بعضا بثلاث، وإذا غابوا كتب بعضهم إلى بعض بثلاث: من عمل لآخرتي كفاه الله دنياه، ومن أصلح ما بين وبين الله كفاه الله الناس، ومن أصلح سريرته وأصلح الله علانيته. À ce propos, pour se préserver, il convient au serviteur de ne pas faire de ce bas monde l'objectif ultime de sa science, ni son principal souci. Parmi les choses qui concrétise sur le serviteur le salut, le fait qu'il ne fasse pas de ce bas-monde le point ultime de ses connaissances. Certains étudient et ont beaucoup d'intelligence, mais tous leurs efforts sont dirigés vers les choses de la dunya. Et leur but, leur souci, c'est que la dunya. Ça, c'est une mauvaise chose. C'est pas une cause pour obtenir le salut dans ce bas-monde. Il faut prendre de la science, ce par quoi tu vas connaître Allah, connaître le prophète, alayhi salatu wassalam, connaître l'islam, appliquer, t'acquitter de tes devoirs. Na'am. Te sauver de la colère d'Allah, yawm al-qiyam. Avoir une bonne station au fil jannah, au paradis. Et ton but doit être l'agrément d'Allah, la satisfaction d'Allah. Et cela ne t'empêchera pas de prendre ton bas-monde. Cela ne t'empêchera pas de prendre ton bas-monde. Et dans le hadith, Allah prendra à son compte les soucis matériels de celui qui transforme ses préoccupations en une seule, à savoir celle du retour, c'est-à-dire vers Allah. Celui dont le souci majeur est « Comment vais-je retourner vers Allah ? Dans quelle situation, dans quel état vais-je retourner à Allah ? Il faut que je fasse les causes pour que ce soit dans la meilleure situation. » Celui qui pense comme ça, qui a ça dans son cœur, Allah Azza wa Jal va lui suffire dans toutes ses affaires. Allah Azza wa Jal va lui suffire dans toutes ses affaires de ce bas monde. Quant à celui qui est absorbé par les diverses considérations de ce monde, au point d'errer dans toute direction pour l'obtenir, Allah Azza wa Jal ne se souciera pas de lui, ou plutôt ne le prendra aucunement en considération dans quelle vallée il périra. Si la personne, son seul souci, c'est aller à droite, aller à gauche, que dans des choses de dunya. Il passe d'un commerce à un autre, d'un business à un autre, d'un achat à un autre, d'une vente à une autre, d'un repas à un autre, d'une boisson à une autre. Que de la dunya. Il n'y a pas de place pour son din. Il n'y a pas de place pour apprendre sa religion. Il n'y a pas de place pour sa prière. Il n'y a pas de place pour la mosquée. Il n'y a pas de place pour l'apprentissage de ce qui est obligatoire. Il n'y a pas de place pour s'occuper de ses proches, lier les liens de parenté. S'occuper de ses parents, il n'y a pas de place. C'est que au rythme de la dunya qu'il se lève et qu'il se couche. Lui, Allah Azza wa Jalla l'abandonnera. Allah Azza wa Jalla l'abandonnera et il périra dans un endroit. Na'ouzou billah. Ibn Abi Shayba rapporte d'après Abu Aoun, quand les gens de science se rencontraient, ils se conseillaient mutuellement trois choses. Et lorsqu'ils étaient éloignés les uns des autres, ils s'écrivaient ces trois choses. La première, Allah prendra en charge les affaires mondaines de celui qui œuvre pour son au-delà. La première recommandation, si tu travailles pour Allah, pour ton au-delà, Allah Azza wa Jal te suffira dans ton bas-monde, dans ta subsistance et tout ce qui a trait à ton bas-monde. Deuxième recommandation, celui qui réforme sa situation entre lui et Allah, Allah réformera sa situation entre lui et les gens. C'est-à-dire, si toi tu crains Allah dans tes devoirs envers lui, al-tawhid, al-salat, al-zakat, al-siyam, al-hajj, le comportement et autres, si toi tu crains Allah dans cela, Allah Azza wa Jal va faire en sorte que entre toi et les gens ça se passe bien. Entre toi et tes parents, entre toi et ton épouse, entre toi et tes enfants, entre toi et tes voisins, entre toi et tes employés, entre toi et tes employeurs, et ainsi de suite. Donc des fois ça va mal. Tu dis subhanallah, j'arrive pas à sortir de ce problème. Subhanallah, je suis en conflit avec un tel, avec une telle. D'où vient le problème? Après avoir fouillé là-bas, là-bas, après avoir accusé un tel et un tel, le problème il vient de nous. Le problème il est sur nous. Notre relation avec Allah Azza wa Jal est détériorée. Notre lien avec Allah est éloigné. Il y a une distance entre nous et Allah. On n'est pas proche d'Allah. On n'est pas pieux envers Allah. Il y a des défauts dans notre prière, dans notre zakat, dans nos sadaqat, il y a des défauts dans notre comportement. Si on revient à Allah, si on se repent, et si on renoue le lien avec Allah, ben sachez que le lien avec les gens deviendra meilleur, et il sera réformé. La troisième recommandation, celui qui réforme son intérieur, son cœur, Allah réformera son extérieur, son apparence. Celui qui s'occupe de soigner son cœur, Il protège son cœur de pencher vers un autre qu'Allah, d'aimer un autre qu'Allah, d'avoir peur d'un autre qu'Allah, d'espérer de compter sur un autre qu'Allah. Il préserve son cœur de la jalousie, de la haine, des mauvaises choses. Na'am. De l'envie. Il soigne son cœur d'avoir une mauvaise opinion d'Allah. Celui qui s'occupe de son cœur, bah Allah subhanahu wa ta'ala purifiera son extérieur. Celui qui s'occupe ou celui qui purifie, na'am, son intérieur, Allah purifiera son extérieur. Hada wallahu a'lam wa sallallahumma wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم افكنا شر الأشرار يا كافي يا حسيب يا كافي اللهم اكفنا شر الأشرار والحساد والسحرة والمشعوذين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين